بسم الله الرحمن الرحيم. نقول اليوم في الحديث 28 أو 29، نعم وقت من الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. معاذ بن جبل رضي الله عنه interroge النبي صلى الله عليه وسلم lui demandant, lui disant: au messager d'Allah, informe-moi d'un acte qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera du feu. Il a dit: je m'assieds demander une chose qui est très grande, qui est immense. Cependant, elle est très facile pour celui à qui Allah l'a rendu facile. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Il a dit: tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu accomplis la salat, tu t'acquittes de la zakat, tu fais le jeûne de Ramadan et tu fais le hajj. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أصوم جنة والصدقة تدفئ الخطيئة كما تدفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Donc il a dit: ne vais-je pas t'indiquer les portes du bien? Le jeûne est une protection. L'aumône éteint les fautes tout comme l'eau éteint le feu. La salade de l'homme dans le cœur de la nuit. Ensuite il est resté dans le sens où Allah dit qu'ils arrachent leurs flancs de leur lit. C'est ce qu'il atteint là dans le verset. Et ils œuvrent. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Il a dit: ne vais-je pas t'informer justement du summum de tout cela? Il a dit si au message d'Allah. Il a dit le capital, ou plutôt, ne vais-je pas t'informer du capital de la chose et de son pilier et de son sommet? Il a dit si au message d'Allah. Il a dit le capital de la chose, c'est l'islam. Et son pilier, c'est la salat. Et son sommet, c'est le djihad. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فخذ بلسانه. Il lui a dit: ne vais-je pas t'informer de ce qui pourrait contenir tout cela? J'ai dit si au message d'Allah. Après il a attrapé sa propre langue en disant: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc il a dit: معاذ, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, sommes-nous donc reprochables pour ce que nous prononçons comme parole? Il a dit: que ta mère te perde, Mu'adh. Est-ce que les gens sont jetés dans le feu, sur leur visage ou par leur narine, si ce n'est par la récolte de leur langue? Ce qu'on récoltait, on semait leur langue. Apportez pas à tes mises. Dans le hadith, فيه بيان أن الإنسان يسأل عما ينفعه ويسأل أهل العلم بذلك. Que la personne doit interroger les choses qui lui sont profitables dans sa religion, les choses primordiales. Et il interroge les gens qui sont aptes à lui répondre, qui sont les gens de science. Et tab'an, les choses dont informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, هذه الأشياء لن يجدها الإنسان بعقله وإنما يعلمها بالوحي. Ces choses informées dans ce hadith ne peuvent être connues par la raison et par la déduction, mais elles sont connues par la révélation. D'où le fait que Allah Azza wa Jalla envoie un messager pour nous informer comment l'adorer. Ada ma'na fi al-shahada ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc la chose la plus importante pour nous, c'est de entrer au Jannah et d'éviter le feu. Hadha huwa l'objectif de notre vie en ce bas monde, d'adorer Allah pour obtenir sa récompense après la mort qui est dans le Jannah. Il fut notre châtiment qui est le feu. C'est ça le but. Et ceux qui entrent au Jannah, فذلك هو الفوز العظيم. C'est la victoire éclatante. Et ceux qui entrent au feu, فأولئك هم الخاسرون. والخسر المبين. C'est la perte totale. Et ceux-là sont les perdants. Donc le faiz, le victorieux, ce n'est pas celui qui a eu un diplôme, ce n'est pas celui qui a gagné la Coupe du Monde, ce n'est pas celui qui a été élu au premier tour, ce n'est pas celui qui a remporté le concours, ou akada. Le gagnant, c'est celui qui entre au Jannah. Le gagnant, c'est celui qui entre au Jannah. Comme a dit Ta'ala, « Ouleka umul fa'izun »« Ouzaleka ul fuzul azim » Allah a cité la victoire comme étant le fait de rentrer au Jannah. Donc, Mu'az قال « Akhbirni bi'amelin yutriluni al-jannata ou yuba'iduni an-innar » Informe-moi d'un acte qui me fera rentrer au Jannah et qui m'éloignera du feu. يقول الشيء هذا ما يريده كل مسلم ce que tout muslim voudrait avoir فدل على أن الجنة لا يدخل إلا بعمل والنار أيضا يدخل بعمل فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل donc ce montre que le Jannah ne peut être obtenu que par des actes et que le feu également on y rentre par la cause de nos actes. Personne n'obtiendra le paradis si ce n'est en œuvrant. Tout en sachant que cette œuvre, l'esabil muqabil, ce n'est pas en contrepartie. Lakin yassalab, c'est une cause. L'œuvre est une cause. Et non pas un droit. Le fait que tu dis, comme j'ai fait cela, je mérite. À la base, kulushif ibfadlillahi ta'ala, tu ne mérites rien. C'est là qu'il te donne par sa grâce. Allah te donne par sa grâce. Quoi que tu œuvres, que tu fasses comme acte, tu ne mériteras jamais ce qu'il y a dans le Jannah. Ne serait-ce même qu'une minute, tu ne mérites pas. En contrepartie. Lakin, c'est pour le rahmat d'Allah Azza wa Jal. Et le hadith, on l'avait cité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, badilu bil amal khayrat, fainnahu lan yadkhulu ahadun al jannah bi amali. Qalu wala anta rasulullah, qalu wala ana illa an yu'midani Allah bi rahmatin min indi wa fadlin. Il a dit, œuvrez dans le bien, hâtez-vous à faire le bien. Car aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres, c'est-à-dire contrepartie de ses œuvres. Les sahaba, ils ont dit, même toi, au messager d'Allah, il a dit, même moi, sauf que Allah, si ce n'est que Allah, m'accordera de sa miséricorde et de sa grâce. Faqala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laqad sa'altani an azim. Tu m'as demandé une chose qui est immense. S'il est rentré au Jannah, évitez le feu. On a dit, c'est plus important. Et c'est ça que l'islam, il attend. Cette dunya, c'est éviter le feu et entrer au Jannah. وَقَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَيَسِيرُونَ عَلَى مَنْ يَسَلَهُ اللَّهُ عَلِيهِ Et c'est une chose qui est très facile pour celui à qui Allah l'aura facilité. هذا كما جاء في حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّلُوا لِمَا خُلِقَ لَهُ Ouvrez car chacun sera facilité pour ce qu'elle a décrit. On a pris au début du kitab le hadith d'Ibn Mas'ud que l'homme œuvre des œuvres des gens du Jannah, que ce soit une coudée d'entre au Jannah et au final, il finit au feu ou à Kaza. L'homme peut être toute sa vie dans le kufr et un instant avant de mourir, yuslim, ena yantahi, fi al-jannah. Toute sa vie dans la mécréance et au dénouement de sa vie, il a fait la shahada, mais il khalas sincèrement et il est mort. Il entrera où ? Au Jannah. Donc cet acte en lui-même, en son apparence, cette shahada qu'il a prononcée, ce n'est pas un acte qui est, on va dire, éreintant, qui est fatigant. Si Allah te waffaq pour dire cette shahada avec khalas, elle est facile à prononcer. Fa yaqul, c'est une religion, elle est facile. Elle n'est difficile que pour les gens qui ont faible foi ou alors ceux qui n'en ont pas du tout. L'Ian Allah Azza wa Jal yakul وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Il a dit Allah Azza wa Jal dans le sens rechercher de l'aide, du secours auprès de la patience et de la salat. Et qu'elle est lourde, cette salat, elle est lourde à la base, à part pour ceux qui sont humbles. Il est là, la khwashirin. Ceux qui savent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont revenir vers lui. Qui sont-ils, ces gens-là? Les croyants. Ces gens-là, pour eux, la salat, elle était rendue facile. Mais les autres, elle est très très lourde. Afqala salat ala munafiqin, salat al-fajr, unasha. Salat les plus dures pour les munafiqoun sont celles du fajr, du isha. Pourquoi? Parce que ce sont celles, à la base, qui demandent le plus d'efforts. Fajr, c'est se lever, le sommeil. Et le Isha, c'est la fin de la journée où tu es fatigué. Et en plus, on est salat, les munafiqoun faisaient des actes pour être vus des gens. Donc, ça veut dire, s'ils n'étaient pas vus, ils ne feraient pas. Et le fajr, à la base, à leur époque, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas tous ces lampadaires, toutes ces lumières, ils auraient pu passer inaperçus. Donc, se fait parler au fajr, pour eux, c'est une chose qui est immense, car ils se disent, pourquoi j'y vais à la base, personne ne va me voir, si je ne viens pas. Et l'Aïcha, pareil. Donc, le fait de s'y rendre, c'était extrêmement difficile pour eux. Mais en réalité, celui qui est mouafak, quand même, elle lui est facile, elle lui est rendue facile. Et ça, c'est pareil pour les ribahadat. Bien qu'à la base, la ribahada, fille hachimine de mashakka. Ça demande un juhud, ça demande un effort. Mais cet effort-là, après, t'es rendu facile par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus tu feras l'effort de te rapprocher d'Allah, azza wa jal, puis il te facilitera, comme encore le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, man tasabbar, yusabbirahu Allah. Celui qui semble de patience, Allah le fera patienter. Wa man yastarni, yunihu Allah. Et celui qui se contente, Allah lui donnera de quoi se suffire. Wa akada. Dans le hadith qu'on va prendre plus tard d'Abu Huraira, on l'a déjà cité que si mon serviteur s'approche de moi d'un enfant, je vais arriver à lui, me couder. Mais à toi de faire le premier pas. Après, il dit, donc parmi ces causes qui font entrer au Jannah, qui l'ont du feu, et la plus importante, et la principale, c'est Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Tu adores Allah et tu n'associes rien. At-tawhid. At-tawhid. Unifie Allah dans l'adoration. Comme encore le Ta'ala. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْكُ بِشَيْءٍ يَدْوَيْ اللَّهَ نُسَسْفِ عَيَانَ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِلُ اُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِلُ مَنْ ذَنِكَ لِمَنْ يَشَعَ. Et les messagers ont envoyé pour cela, qui est le premier pilier de l'islam, l'attestation. D'accord ? Le tawhid. C'est le plus important, c'est la clé pour entrer au Jannah. Le Jannah n'y entrera que le muwahid, celui qui aura unifié Allah dans l'adoration. ثم قال وتقيم الصلاة فنتيل زمبيليه الصلاة الى الصلاة لا يريد بذلك الصلوات الخمس المكتوبة الخمس صلوات كوتيديان celui qui ne la fait pas à la cour sahih wa kafir, il n'aura pas unifié Allah dans l'adoration. وقالوا وتؤتي الزكاة تأكيد للزكاة. الزكاة هنا سي ركن ثالث pour un pilier de l'islam. On en a déjà parlé auparavant. Kolo, Tassoum Ramadan, tu fais le jeûne de Ramadan, qui est le Rukn Arabia, quatrième pilier. Wadahoud Jel Beit, Rukn Al-Khamis, cinquième pilier. Donc là, dans ce hadith-là, sans les avoir nommés, il a cité en premier lieu cinq piliers. La cause pour entrer au Jannah et éviter le feu. Et tout cela, bien sûr, avec l'Ashtourout, Radawa Abit, soit fait selon la Sunna, la Mutaba'a, et l'Ikhlas. Thumma yakul lahu. Ala adulluka ala abwab al-khayr. Ne vais-je pas t'informer des portes du bien? Hadha madha? Bayanan li'anna al-islam mabni ala khams, lakin yashmal umuran kathiran ukhra. Bien que l'islam soit basé sur cinq choses, il englobe plein d'autres choses. Les portes du khayr sont très nombreuses. Très nombreuses. Mais il est indispensable d'avoir les cinq précédentes. Il est indispensable d'avoir les cinq précédentes. Mais en disant cela, bien que des hadiths sont venus que celui qui se contente de cela et qui khalas entre Jannah, quoi qu'il en soit, tu n'es pas à l'abri, tu ne sais pas où est ton devenir, au final. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Tu en fais le plus possible. Tu augmentes tes probabilités de rentrer au Jannah. Tu ne te contentes pas, tu dis cela, ça me suffit. Tu ne sais pas, ça va suffire. Et en plus, tu n'es pas à l'abri demain de faire un acte qui t'épasse tout, ou que ce ne soit pas accepté dans la Azza wa Jal. Ou alors que certains de tes actes sont effacés. Comment tu fais à ce moment-là? Tu emmagasines le plus possible. D'accord? Comme les gens ils font avec la dunya, quand ils ont de l'argent, la salaine, ils ont une chose à acheter, ils font toujours en sorte d'avoir plus. D'avoir plus. Ils disent toujours, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je prépare mes vieux jours. Mettre de côté. Pourquoi? Pour l'avenir. Par peur de la dunya. Oublie-toi pour ton au-delà. Il y a encore plus d'endroits de faire cela. Et tu n'auras jamais, quoi que tu fasses, fais ce qui suffit. Comme encore l'état Allah, wa taqullah haqqa tuqatih. Et craignez Allah comme il se doit. Et cela n'est pas possible. Craignez Allah comme il se doit. Réellement, quand on réalise la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on dit cela est irréalisable pour nous. C'est pour cela qu'après il a dit, wa taqullah mastaqatum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Donc, notre islam englobe plein d'autres actes qui aide à nous épargner du feu et entrer au Jannah. Plein de hadiths, on en a déjà parlé auparavant, ce prostitué qui a abreuvé un chien, cet homme qui a enlevé des ronces du passage, le châtiment. Et là, Mouaz, il dit, au début, Yubiduni anenna. Ça m'éloigne du feu. C'est-à-dire, je ne veux même pas y rentrer. Même pas tahmir son pour effacer mes fautes. Je ne veux pas rentrer au feu. Donc, notre islam est basé sur des actes qui sont obligatoires, des piliers déjà en premier lieu, obligations, et mustahab, chose recommandée. Chose recommandée. Et ça, c'est encore une fois, qu'on en a parlé la dernière fois, c'est un point important, qui réfute les gens qui disent, mais Salen, ça c'est des couchours, c'est des choses secondaires, tertiaires. C'est pas important. Tu vois. On dit, Tayyib, ce n'est pas important. Est-ce que tu reconnais que c'est de l'islam? Il va te dire, non. Je lui dis, et toi, tu penses que tu es à un stade, tu peux t'en passer. Tu as ce que tu as, ce qui te suffit comme hasanat. Tu as le Jannah qui t'est garanti. Il ne pourra pas te répondre oui. Il n'aura pas l'audace de dire oui. Dis, donc pourquoi tu ne n'augmentes pas les causes pour entrer au Jannah? Pourquoi t'en fais pas plus? Par exemple, tu lui dis, ben, Salam, il te dit, moi là-bas, pour moi, c'est pas important. Taïeb, mais pourquoi tu la laisses pousser? C'est pas important. C'est quoi qui t'empêche de laisser pousser? Même si c'est pas important, laisse ça pousser. Comme on dit, on ne te dit pas fais, on te dit ne fais pas. Il n'y a rien à faire. C'est quoi le plus fatigant? Laisser pousser une barbe ou la raser tous les jours? Ou aller chez le barbier et faire structurer, dégrader, machin. C'est quoi le plus dur? Laisse ça pousser. Hada sahl jiddan. Allah, il t'a facilité en disant ta barbe, laisse ça pousser. Wafulloha, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laisse ça pousser. Aller chez le coiffeur, chez le barbier, c'est prendre de l'argent. Ça te prend du temps. Alors que là, tu n'as rien à faire. Juste la payer de temps en temps pour l'entretenir. Donc on dit secondaire. Selon ton call, pourquoi tu ne le fais pas? Les choses secondaires, on peut les faire également. C'est pas makruh. Tu ne vas pas dire c'est makruh d'avoir une barbe. On ne pourra pas te dire si c'est makruh. Tu vas dire c'est au minimum pour toi, c'est permis. Même tu vas dire c'est une sunna. Le Nabi Sallam avait une barbe. Il va dire non. Pourquoi tu ne la fais pas toi aussi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas que c'est secondaire. C'est que tu ne veux pas avoir une barbe. Parce que pour toi, cette barbe-là, elle va te, selon ta compréhension, elle va te freiner dans tes projets de dunya. Pour avoir le travail, pour plaire aux gens, pour pas être pointé du doigt. Donc tu ne veux pas patienter face à la sunna. Donc dis pas secondaire, dis elle me dérange. Dis elle me dérange. Des gens, par exemple, ils vont prendre des voitures. On va dire, taïeb, c'est quoi la voiture la plus importante? Un moteur qui fonctionne, les roues, les freins, taïeb. Tout ce qui est lié à la sécurité, rétroviseur, phare, ou akaza. On dit n'arme. C'est ça le plus important, n'arme. L'intérieur cuir, c'est important, c'est secondaire. La solo dans ta voiture, c'est secondaire ou? Et pourtant, les gens, ils avaient 6 dents ou pas? Ils mettent des sommes immenses dans l'intérieur de la voiture pour l'embellir. Une chose de douleur. Pourtant, le plus important, c'est le moteur. C'est qu'il roule bien la voiture, elle est sécurisée, ça freine. C'est pas tu freines et elle finit dans le mur. Tu vois? Sécurité de sécurité, elle marche. Bon, contrairement à nous ici. Et malgré tout, on roule. Comme ils disent en France, ils ont c'est quoi les. On dit la voiture, elle passe contre tactique ou pas? Elle est passée. Est-ce qu'ils ont regardé ces gens fuir pour passer contre? Non, ils ont regardé les freins, ils ont regardé le moteur, tout ça là. Le reste, pourquoi ta voiture est aussi belle à l'intérieur? C'est plus que secondaire ça. Donc, qu'en est-il le musulman avec sa religion? Qu'en est-il avec sa religion? Donc, tout ça, c'est juste des falsafas, une philosophie secondaire. On dit non, dis, tu ne veux pas le faire. Mais pour cacher cette karaha que tu as, tu viens avec cette philosophie pour dire c'est pas important, on commence par les priorités. On dit non, priorité, mais cette chose secondaire ne t'empêche pas de faire tes priorités. Elle n'est pas un frein pour ta priorité. Du moins, la priorité d'Allah, ça veut dire. Ama la tienne, ça c'est autre chose. Thumma qala sum junna. Que le jeûne est une protection. Ya'ni, bin al-abd ou bin al-nar. Et là, il parle du somme qui est wajib, Ramadan, comme il dit au début, et le somme qui est nafl, qui est surrogatoire, comme les 3 jours par mois, Ayyam al-Bayd, l'Isnayn ou l'Khamis, lundi et le jeudi, même, ou à Ghayr Zalika. Les sommes Ashura, ou Arafat, Sita Shawwal, Sita Shawwal, tout ça, ça rentre dedans. On va dire à ces personnes-là, le somme de. Ce genre de siyam par rapport à Ramadan est secondaire ou pas? Il va dire non, selon sa philosophie. On dit pourtant, c'est une cause qui t'épargne du feu. Est-ce qu'une chose qui t'épargne du feu est secondaire? C'est pas secondaire. C'est moins important que le rukn. Si tu ne fais pas, t'es pas de péché. Mais il se peut que par la cause de ce jeûne, tu vois, entre 19 et pas du feu. Donc on ne peut pas juger de secondaire. وقولوا والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. Que l'aumône éteint les fautes, tout comme le feu, ou plutôt l'eau, éteint le feu. Quand même, sadaqa, comme encore les chers, à la kismain, c'est celle qui est obligatoire, qui est zakat. On l'appelle sadaqa également, comme dans le Coran c'est venu. Et tu as celle qui est tawwa. Et quand on dit zakat, c'est zakat mal, zakat al-fitr également, à la fin de Ramadan, ça rentre dedans. Où est le tawwa, ce qui est obligatoire? D'accord? C'est ce regard-là que tu fais de toi-même dans les voies du bien. Et la sadaqa, on avait expliqué également dans d'autres hadiths, c'est l'arche. Ce n'est pas que de l'argent. C'est une bonne parole. C'est le zikr d'Allah, le tahlil, le takbir, le tahmid. Voir les adhikas, les khotouas. Ne pas que tu fais pas le masjid. Enlever les obstacles du passage. La bonne parole, kilamit tayyiba, sadaqa. Que tu concilies entre deux. Hein. Tout cela rentre dans la sadaqa. Tout cela rentre dedans. Et ça servait au hadith qu'on a pris au début de Mu'adh ibn Jabal et de Abu Dhar, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on a l'a humain hasana tamhuha. Fais suivre la bonne ou mauvaise action, d'une bonne, elle effacera. Même, par comme encore le Ta'ala, que les bonnes actions font partie des mauvaises. Donc ce n'est même pas lié qu'à la sadaqa. Tout acte bon que tu feras, précédé d'un acte mauvais, l'effacera. Summa qal. وصلت رجل من جوف الليل الى صلاه الظلام dans le cœur de la nuit. En restant le verset qu'on a dit auparavant. Et cela, il s'agit de qiyam al-layl. C'est-à-dire la salat de nuit, qui est la meilleure salat surrogatoire. C'est qiyam al-layl. Afdal as-salat ba'd al-maktuba wa ma qiyam al-layl. Et ce qiyam al-layl peut être en début de nuit, en milieu de nuit, en fin de nuit. La sunna là-bas, c'est 11 rakat. Et Allah, nous a, grâce au Rahma, nous a permis de le faire, même une rakat. Nous nous après le Ishan rakat. C'est compté comme Kim al-Layl. C'est sûr que ce n'est pas comme celui qui fait 11 en fin de nuit, mais c'est compté Kim al-Layl Kazalik. D'ailleurs, Ahab siyam in Allah, siyam Daoud. La meilleure siyam pendant Allah, c'est celui de Daoud. Et Ahab salat in Allah, c'est salat Daoud. Donc, le meilleur jeûne auprès d'Allah, c'est celui de Daoud. Un jour sur deux. Et le meilleur, la meilleure salat auprès d'Allah Azzawajal, c'est Daoud. Il se levait, il dormait la moitié de la nuit, il se levait à l'autre moitié, il se levait pendant un tiers, et il redormait un sixième. Il redormait un sixième. Car cela coïncide avec la fin de nuit, celle où Allah Azzawajal descend, c'est de la dunya, là où il répond au dua. Wa qiyam al-layl sharaf al-mu'min. C'est la noblesse du mu'min. Et ça demande de grands efforts, car ça te sort de ton sommeil. Comme encore le Ta'ala, c'est-à-dire ils arrachent leurs flancs de leur lit. Pour dire que c'est difficile. D'accord? Mais ça devient facile après pour qui? Celui qui l'a rendu facile. Qui a fait l'effort. Et d'ailleurs dans le hadith c'est venu, il y a couché étant, n'aime la canne, l'aila tawila. Il te dit, dors, fais une longue devant toi. Et il fait trois nœuds dans ta nuque. Il dit, quand l'abd ibn al-layl wa zakalallah, il se lève, le croyant dans la nuit se réveille, il fait un zikr, un premier nœud qui se défend. Summa qama wa tawadda'a, il se lève, il fait l'ouzo, le deuxième nœud il se défend. Summa iziqama wa salla, le troisième nœud se défend. Et après pour fajr, il achète. Il est actif. Ce qui prouve quoi au début, c'est un peu dur. C'est un trois nœuds. Le premier, il se lever et faire un rappel, un zikr. Donc tu as fait le premier pas. Deuxième pas, se lever du lit, aller vers le hammam, la toilette, faire l'eau d'eau. Des fois, tu es en hiver. Bon, maintenant, les gens, ils ont des moyens avec l'eau chaude ou quoi. Sans quoi, dans des pays comme on était à Demej, ou dans certains pays, ils n'ont pas d'eau chaude. Soit il faut la chauffer à la cuisinière, ou soit ça l'eau froide. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah adullukum ala ma yurfaru bi darajat, quand Allah el wudu ala makarih. Ne vais-je pas vous informer de ce que vous élèves en degré, de faire les ablutions, en temps de difficulté, c'est-à-dire quand il fait froid. Quand il fait froid. Quoi qu'il en soit, ça demande un effort. Et pourtant, malgré cela, comme il dit dans le hadith au début, Allah rend cela facile pour qui il veut. Allah rend cela facile pour qui il veut. Donc, celui qui se lève à ce moment-là, ça c'est parmi les portes du khayr, qui rajoute encore plus de probabilité de te rentrer au Jannah. Et il dit justement le shir, Hadha yakunu dalilan ala sidq imani. Celui qui fait cela, cela est une preuve de la sincérité de son de sa foi. Wa mahabbatihi lil khayr, qu'il aime le bien. Même qu'il aime le bien. Thumma qala ala ukhbiruka bi ras al amr kulli wa umudihi wa dhurrat sanamihi. Vais-je pas t'informer justement du capital de la chose ou de son pilier, de son soma, c'est-à-dire ce qui regroupe tout ce que vient de citer maintenant là. Il a dit ras al amr al-islam, que le capital de la chose, la base de tout, c'est l'islam. Là, il a dit ras, c'est-à-dire la tête, mais en fait, ça veut dire quoi la base, ce qui domine. D'accord? C'est l'islam. Qui est l'islam lillahi bi tawhid wa al-qiyadu lahu bi ta'ah wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Avec ces cinq piliers de l'islam khas, se soumettre à Allah par le tawhid et se laisser mener, yani, dans son obéissance et s'innocenter des avoués du shirk et de ses gens. Ça, c'est le ras al-amr. Et après, l'islam qui est ras, les cinq piliers avec lesquels sont venus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, son pilier, c'est la salat. C'est-à-dire le pilier de l'affaire, c'est la salat. Voyez, comme je donne l'exemple, par exemple, tu vois une tente ou une maison. Regarde ce mosquée, par exemple. Tu vois ce pilier là au milieu, là, ou les murs porteurs. Si tu les enlèves, qu'est-ce qui se passe? Le toit s'écroule. Le toit s'écroule. Ah là, ça supporte la chose, c'est la salat. C'est parmi les hadidés que des ulama apprennent pour dire que celui qui dit sa salat, les kafir. Son dîn, il tombe. Wa dhurwat sanami al-jihad. Le summum, c'est le jihad. Fi sabilillah. C'est le fait de combattre les kuffars pour que la kalimatullah takun al-ulya, que la parole d'Allah soit la plus haute. Wa izalat al-shirk wal-kufr min al-ard. Le fait d'abolir le shirk et la mécréance sur terre. Hada wa al-jihad. Talab. Lianna Allah kharaka al-nas li'ibadati. Allah nous a créé pour ça. Wa ma kharaktu al-jinn wal-insa illa li'abudun. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc cela, tu dois le faire pour toi et ensuite faire en sorte que ça s'applique sur les autres. Mais cela, bien sûr, cela revient avec des conditions gouverneurs et à Kaza. Et le Nabi, le Allah Azza wa Jal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Wa fi aya ukhra yakuna dinu lillah. Combattez-les, c'est ce qui n'est plus de fitna, c'est-à-dire de shirk ou de mécréance, et que la religion soit entièrement pour Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa qala al-hadith ibn Umar, umirtu an uqatil an-nas حتى يشهدوا لا اله الا الله. هكذا الحديث. Donc le jihad est une chose qui nous est obligatoire lorsque cela nous est possible. Et le jihad, comme le dit le shir, cela prouve, cela montre la quwa de l'islam, sa force. D'accord? Car le summum d'une chose, c'est quoi? C'est le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut. Des gens rentrent en islam, ils veulent commencer par le jihad. On dit non. Si le jihad il est là, tu viens de rentrer, voyez, tu es légiféré à ce moment-là. Mais toi, maintenant, tu viens d'arriver et tu ne connais même pas le tawhid et tu veux combattre, surtout à notre époque avec le jihad qui est muntashir, on dit ça, c'est pas l'ordre des choses. Kitab al-jihad dans les kutub, il est où? À la fin. Kitab al-jihad, les kutub al-fiqh, l'arkam al-jihad, c'est à la fin du livre, pas au début du livre. Au début, ça commence par quoi? Tahara, purification. La salat. Les arkan, les choses qui sont des obligations quotidiennes à toi. Le jihad, il vient en dernier. Maintenant, si là, il code d'or que quelqu'un rentre en islam au moment où il y a un jihad, là, c'est autre chose. Mais à notre époque, on n'a pas ça. On n'a pas ça à notre époque, pour l'instant. Souvent, ce qu'on fait, c'est le Hamas, tu vois. C'est la fougue. Mais la fougue sans ilm, ça amène que des catastrophes. Comme on dirait, c'est comme tu me donnes une voiture puissante dans les mains qui ne sait pas conduire, il va se prendre le premier mur qui va arriver. Est-ce qu'il ne maîtrise pas? Tu vois, il ne maîtrise pas. Donc, on lui dit, comme ils font les koufars, on met le A à l'arrière. Tu vois, on met le A pour dire doucement. C'est pas maintenant le moment de jouer le pilote, doucement. D'abord, habitue-toi et les réflexes, et après par la suite, et quand même tu es un pilote, il y a des circuits, pas dans la rue, mais des gens. Après, il a dit, Ala urbiruka bi malak zalika kulli, kultubela ya nabi Allah, fa akhaza bilisani, qala, kuf alika, ahada. Après, il a dit, ne vais-je pas t'informer justement d'une chose qui contient le bien entièrement? Je sais pas comment traduire bi malaki. Je ne me rappelle plus du sens de l'imalaki, on a. Sur le moment, j'ai une sienne. Al-Muhim, il nous dit cela. Et là, il a attrapé sa langue. Pour dire que la langue, c'est l'une des bases de la plupart du charme, du mal qu'il y a, ça part de la langue en premier lieu. Ça part des choses que l'on prononce. Car Mu'az lui a dit, « Oh, Nabi Allah, wa inna la mu'akhazou nabi gana takalamu bih, est-ce que nous serons remis en compte par ce que nous prononçons comme parole ?» Et il a dit, « Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ta mère te perde. » C'est une expression que les Arabes employaient. Ils ne voulaient pas l'apparent de la parole. C'est une expression qui te dit pour dire que ce que tu dis là, c'est une chose qui est étonnante. Pour mettre l'attention sur la chose. Que ce qui fera que les gens sont traînés sur le visage ou sur leur narine vers le feu, ce que leur langue aurait compté, leur parole. Déjà, fil hadith à Nabi Oreira, qu'al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna l'abd la takallamu bil kalima min l'udanillahi ta'ala ma yulki biha balan. Yarfa'ullahu bihi ou biha darajatan. Que le serviteur prononce une parole qui plaît à Allah, il ne s'en rend même pas compte, qui fait que Allah l'élève en degré. كذلك العبد العكس ان العبد يتكلم بالكلمات من سخط الله تعالى لا يلقي بها بالا فيهوي بها في النار جهنم qui prononce une parole qui irrite Allah, qui le met en colère, par laquelle il tombera au fond du feu. Au fond du feu. On a pris dans le hadith de Abu Huraira auparavant, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا ام يصمت. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qui dit bien ou qui se taise. Donc nos langues causent beaucoup de mal. Ce qu'on prononce comme shirk, comme kufr, comme bid'a, comme insulte, comme vulgarité, comme grossièreté, comme ignorance, comme provocation vers les gens, comme injustice, comme riba, médisance, namima, comme calomnie, pour les alika. Et ça, tu le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en rendait compte, mais pas trop. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens qu'on a, on s'en rend encore plus compte à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Car tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. C'est ouvert à tout le monde. Et ceux qui parlent le plus sont souvent les plus ignorants. Et tu vois des énormités. Tu te rends compte vraiment de comment on est loin. Comment on est loin. Là, je parle des moussémines, je ne parle même pas des koufars. Tu vois. Que les gens polémiquent entre eux, se répondent, débattent sur des choses futiles. Quand même, ils s'insultent, ils se provoquent, ils se font le hajj. Pour des fois, ce qu'on appelle un tweet de quelques lignes. Un tweet peut te coûter. Parce que tweet, c'est écrit, mais à la base, c'est une parole que tu prononces. Dans le sens. Un tweet peut te coûter l'enfer. Comme dans le hadith. Tu as dit un tweet, tu n'as même pas rendu compte. C'est une parole qui a mis Allah en colère, qui te vaut le jahannam. Un tweet. Ouais. Ou même ce qu'ils appellent un retweet. Quelqu'un il a dit une parole, tu l'as propagée. Tu as contribué à cela. Ou tu as fait un j'aime. Quelqu'un il a dit une bêtise, j'aime. Eh ben, tu as pris le péché de cette bêtise-là toi aussi, car tu l'as cautionné en ce qu'il a fait. Comme encore le ta'ala, wa ta'awanu al-bir wa taqwa. Voilà ta'awanu al-ism al-udwan. Entrenez-vous dans l'obéissance et la piété, ne vous entraînez pas dans la désobéissance et le péché. Et là, dans le hadith, il dit, parce que les gens seront traînés au feu sur leur visage ou sur leur narine, parce que leurs langues auront semé, auront récolté. Et les gens diront, comment cela se fait? On s'est traîné sur le visage. Comment cela est possible? On dit, Allah la kulushin qadir. Allah capable de coûter toutes choses. Allah fera parler tes cuisses, tes membres, yom al-qiyama, qui parleront. Aujourd'hui, tu aurais dit, il y a quelques années, est-il pensable que des gens allaient danser en tournant sur la tête? Je dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, des gens, ils le font. Ils tournent sur la tête. Ils font des acrobaties, des choses, voilà. Là, tu dis, Allah, il peut traîner sur le visage pour aller au fond. Comment? Le comment, on ne l'a pas vu. Et qu'à la fin, ce qu'on ne voit, ça ne nous arrive pas à nous. Tu vois? Mais c'est une chose qui est possible à Allah, Azza wa Jal. Sur ton visage, sur ton petit doigt, sur ton oreille, sur ce qu'il veut. Mais là, il t'a averti, c'est quoi sur ton visage ou tes narines? Pour te dire la douleur de la chose. Imagine-toi ton visage, on le prend, on le traîne par terre. Tout ton poids de ton corps, c'est ton visage traîné par terre. La douleur que tu vas ressentir. Et pourtant, ce n'est qu'un début pour finir où après? Azubillah, au feu. Pour finir au feu. Donc, هذا الذي أخذنا من الحديث. ثم نقول الحديث الذي بعده. الحديث نقول الحديث 30. 30e hadith. عن أبي ثعلبة الخشني جرثم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني وغيره. Donc selon ce sahabi qui est Abu Tha'rabah al-Khushani Jurthum Nashir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a imposé des choses, a mis des obligations, ne les perdez pas. Il a instauré des limites, ne les enfreignez pas. Il a interdit des choses, ne les violez pas. Et sais-tu sur des choses par miséricorde pour vous et non par oubli. Ne cherchez pas derrière ces choses-là. Ne cherchez pas derrière ces choses-là. Kelimat jami'a. Qalil ma'ani al-mabani wa kathir al-ma'ani. Ça, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont concises, courtes, mais enferment beaucoup, beaucoup de sens. Donc, toutes ces choses-là sont des choses que Allah nous a données comme un salih pour notre bas monde, notre dunya et l'au-delà. Tout cela nous sert à ce bas monde et pour l'au-delà. Donc là, il a dit, Allah farada fara'id. Allah a rendu des choses obligatoires. Al-farida, c'est le sens de wajib. Le wajib. Des choses qui nous sont imposées par la législation. Celui qui les fait par obéissance est récompensé. Celui qui les délaisse est sous la menace. Qad akhadna al-wajib. Tamam, akhadna al-wajib. Donc ces wajibat, il faut les faire. Il faut les faire autant que possible. Ne pas être négligent, laxiste quant à l'accomplissement. Car elles nous sont un profit, qu'on s'en rende compte ou pas. L'ozo que l'on fait nous apporte un profit, que l'on s'en rende compte ou pas. Le salawat que l'on fait 5 fois par jour nous apporte un profit, que l'on s'en rende compte ou pas. La hikmah, qu'on la connaisse ou pas, elle est là. Car Allah n'a rien fait en vain. Allah mi asma'i al-hakim. Même le sage qui met les choses à leur place. Il n'y a rien qui soit fait, ne serait-ce que, même dans les choses autres que la religion, soit présente, qui soit inutile, parce qu'Allah il a fait. Ce soit une pierre par terre. Cette pierre par terre, Allah ne l'a pas mis ici pour rien. Cette feuille qui tombe de l'arbre et qui tombe dans sa façon de tomber, ce n'est pas pour rien. Seulement, est-ce que nous, ça nous concerne de le savoir? Là. Ça ne nous concerne pas de le savoir. La futilité viendra d'où? De nos actes à nous. D'accord? De nos actes à nous. Par rapport à nous, en nous-mêmes. Et même par rapport à autrui, il y aura une utilité, quelque chose. Même donc, les obligations, il faut les faire. Et ce sont les actes préférés auprès d'Allah Azza wa Jal. Faire les obligations. ثُمَّ قَالَ وَحَدَّ حُدُودًا. Qu'il a placé des limites. الْحَدْ وَشَيْءَ الْمَانِعَ. Une chose qui empêche. Limite, loi. Même, وَكَذَا. Donc, ces limites, on ne doit pas les dépasser. Sans compte, on va dans le zulm. Et ces limites, certaines d'entre elles ont des sentences, des peines que l'on applique, c'est à Hididunia, comme Zani, celui qui fornique, il a dépassé un had, on applique celui une peine. Le voleur, selon les conditions, celui qui tue la vie sans droit. Ils ont des hudud, et certaines choses, la peine sera appliquée fil au-delà, fil akhira. Comme a dit Ta'ala, tilka hududullah fala tartaduha. Voici donc les limites d'Allah, ne les enfreignez pas. Il ne faut pas les enfreindre. Wa kama qalat al-shir wal haram la yukrab. Le haram, il ne faut pas s'en approcher. On est pris dans le hadith de Norman ibn Bashir, que chaque roi a un domaine qui lui est interdit. Il ne faut pas s'en approcher, de peur de ne tomber dedans. Comme quand on Ta'ala, c'est qu'il y a un Allah, il faut la takrabouha. Aussi, les limites d'Allah, ne vous les approchez pas. C'est même pas de ne pas les enfreindre, ne t'en approche même pas. Donc, laisse entre toi, on l'a expliqué auparavant, une limite, une chose permise, qui était loin de l'interdit. Ada wal wara. On avait dit la retenue. Summa qala wa harrama ashiya. Il a rendu des choses interdites, illicites. Amen. Et ces choses illicites, sont basés sur des adillah. Elles sont basées sur des adillah. Ou les muharamat kathira. Les choses interdites sont très nombreuses, bien que les mubahat sont akthar. Ou akthar, ou akthar, ou akthar. Les choses permises sont bien plus nombreuses que les choses interdites. On a expliqué que dans les choses de dunya, la base c'est quoi? La permission. Et dans la ibadah, l'adoration, c'est quoi la base? L'interdiction. Tu ne fais pas une chose sans avoir de dalil. Tu n'as pas de dalil, c'est interdit que tu la fasses. Les choses de dunya, tu n'as pas de dalil, c'est permis que tu la fasses. Le contraire. Donc, quand on a une chose qui nous est, avec un délit qui nous est interdit, alors, cette interdiction, on doit se tenir. Et ne pas l'enfreindre. Et ne pas l'enfreindre. Et ça amène quoi? Ça amène au nahi, l'interdiction. Au début, on a parlé du wajib. Là, on parle du nahi. L'interdiction, c'est ce que le délaissement d'une chose imposée par la religion. Celui qui la délaisse par obéissance, quand même, yu'jar, il est récompensé. Celui qui l'enfreint, il est sous la menace. Quand même, il est sous la menace. ثم قال وسكت عن اشياء. Allah s'assit sur des choses. C'est-à-dire, comme a dit le cheikh, لم يحللها ولم يحاربها. On ne sait pas si c'est halal ou c'est haram. فلا تسألون هنا. Ne demandez pas, ne cherchez pas. Quand même, que le fait de demander des fois, ça met dans la gêne. وهكذا. وجاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسألكم. Oh, vous qui avez cru, n'interrogez pas à propos de choses qui pourraient vous déplaire. Il faut que ça te déplaise la réponse. Et si c'est une chose qui ne t'apporte rien ou quoi, ne cherche pas. Laisse-la. D'accord? Laisse-la. Et comme on a dit dans l'aïa, quand ça a l'air commun, ثم أصبحوا بها كافرين. طيب قد سهل لكم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Que des gens ont déjà interrogé auparavant ces choses-là, ils en sont devenus mécréants. Les choses qui ne revenaient pas le savoir, ils ont demandé, ça ne leur a pas plu, ils ont mécru. Même la réponse ne leur a pas plu, ne leur a pas plu. Ils ont mécru. Donc là, rentrer là-dedans, ça entrerait dans quoi? Dans le hadith d'Abu Huraira qu'on a pris au début. Min husn ism al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le bonisme de la personne qui délaisse qui ne revient pas. Tu ne sais pas, ça ne te revient pas, ça ne t'apporte rien, délaisse. Ne t'immisce pas là-dedans. Ça pourrait te coûter cher par la suite. Donc il a bien dit ces choses-là. Allah ne s'est pas tué par Nisien. Allah n'oublie pas. On m'a qu'un arbu kanasiya. Car notre Seigneur n'oublie pas. D'accord? Car le Nisien, c'est une sifat de nox, de défaut. Et Allah munazza an dhalika. Mais Allah, là où l'ilm est mutlaq, il sait tout. On ne peut pas oublier, ce n'est pas possible. On m'a qu'un arbu kanasiya. Et maintenant, le Nisien qui est venu dans le Coran, aujourd'hui, on les oublie comme ils ont oublié la rencontre de ce jour-ci. C'est pas un oubli de fait qu'il ne sait plus. C'est pas ça. C'est le fait qu'il a délaissé. Là, on a initié un attaque, le délaissement. D'accord? Et même nous, en français, on l'emploie. Quand on dit cette chose-là, c'est bon, j'ai oublié ces choses-là. En France, je les ai délaissées. Al nafs al-ma'na. Quand même, fa'ada al-ladhi aqadna al-yum, mi'ahada al-hadithayn. Anak tafib d'al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.